Chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut, du pain sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les feras avec de la fleur de farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans cette corbeille, en offrant le jeune taureau et les deux béliers. Tu présenteras à Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, et du pectoral que tu serreras sur lui avec la ceinture de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête, et tu mettras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu présenteras ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe, et tu leur attacheras des tiares. Le sacerdoce leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang sur le socle de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les deux rognons avec la graisse qui les couvre, et tu les brûleras sur l'autel. Mais tu consumeras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu en prendras le sang et tu le répandras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras le deuxième bélier. Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, la membrane qui couvre le foie, les deux rognons avec la graisse qui les entoure et la cuisse droite, car c'est un bélier d'investiture. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau de pain à l'huile et une galette. Tu mettras le tout entre les mains d'Aaron et entre les mains de ses fils, et tu feras devant l'Éternel le geste de dédier ses offrandes. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture offert par Aaron, et tu feras devant l'Éternel le geste de le dédier. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève. Elles auront été respectivement dédiées et prélevées sur le bélier d'investiture de la part d'Aaron et de la part de ses fils. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites, car c'est un prélèvement. Ce sera de la part des Israélites un prélèvement sur leur sacrifice de communion, un prélèvement pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils qui les mettront lorsqu'on leur donnera l'onction et qu'on les investira. Pendant 7 jours, le sacrificateur parmi ses fils qui lui succédera s'en revêtira, puis il entrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu saint. Tu prendras le bélier d'investiture et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente de la rencontre la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur investiture et leur consécration. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair du sacrifice d'investiture et du pain jusqu'au matin, tu consumeras par le feu ce qui restera. On ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras. L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 hin d'huile d'olive, concassée, et 1 libation d'1/4 hin de vin. Tu offriras avec le second agneau entre les 2 soirs une offrande et 1 libation semblable à celle du matin. Tu les offriras en sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est un holocauste perpétuel pour toutes vos générations que vous offrirez à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. Je rencontrerai là les Israélites, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente de la rencontre et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. Je demeurerai au milieu des Israélites, et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu.